barkasade wonga bira nana fohora wala manai wonga lagine rafala barma lagine nantuna wanyira lagine lagine mege timo tisiga mane yarima bohira ya bukina nyira lagine lagine mege timo tisiga mane yarima bohira ya bukina nyira Ewa makolo fela ginei to fangungi tongo isiga kasa Inukeli kasa isiga tamara Yakola mane yala barabar kasa wama Fule gine fanye matwe nyere ratu utima Maninke gine tamanyaga agwekwera Sose gine ewa kili agwekwera Forestieri mwega game wima tandima Welde na labara unakeli fioma Unakolo ngalabe Mutisiga mane yarima Bogira ya bukina njira Lagine Lagine Migiti mutisiga mane yarima Bogira ya bukina njira Voilà, bonsoir. Donc, vous êtes bien sur l'émission anarchiste de Radio Air Libre qui s'appelle Tranche d'Anar, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Notre adresse est 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, c'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Donc ce soir, au vu de la chanson qu'on vous a passée là juste un peu avant, c'est une émission sur la Guinée. Où nous avons invité deux personnes guinéennes qui vivent à Bruxelles depuis déjà un certain temps. 9 ans. Pardon ? 9 ans. 9 ans. Mais tu peux parler dans le micro. Hein. Ah, donc moi je m'appelle Mamoudou Diallo, je suis en Belgique depuis 2011. 2011. Et toi ? Moi je m'appelle Barry Ibrahima, je suis en Belgique depuis 2013. 2013, ok. L'autre jour, j'ai assisté à une conférence que vous avez faite à l'Université Populaire pour parler de la problématique de ce qui se passe dans votre pays, où il y a plein de choses pas très jolies. Mmh. Et donc, je voulais un peu, parce que la Guinée, on n'en parle pas beaucoup. Mmh. C'est vraiment un pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Et j'aimerais bien que vous présentiez un peu ce pays d'abord et un peu le contexte politique de ce pays pour savoir un peu, pour faire connaissance aux auditeurs de ce que c'est exactement la Guinée. Ok. Comme on le dit toujours, la Guinée, mon pays natal, est un petit pays. Est un petit pays qui a une population d'à peu près 13 millions d'habitants et qui a une superficie entre 1000 et 2000, dont je ne me rappelle pas le chiffre exact. Donc c'est un pays qui est limité, qui fait frontière à l'est, si je ne me trompe pas, par... je me souviens pas trop, mais je sais c'est un pays qui est compris entre le Sénégal, la Guinée-Bissau, et la Côte d'Ivoire, et la Sierra Leone, le Libéria. Et il est aussi côtoyé par l'océan Atlantique, qui est un grand port donc qui est actuellement en bail par le français qu'on appelle Bolloré. Donc Bolloré, c'est lui qui détient le port de Conakry comme l'aéroport. Donc détient, c'est-à-dire qu'il est propriétaire? Non, c'est un bail, donc il n'est pas propriétaire, mais vu le pouvoir d'en place, vu la politique d'Alpha Condé, donc ils ont fait une bail, je ne sais pas à combien de temps, à Bolloré, le français, donc le port et l'aéroport de Guinée-Conakry. Et donc, la Guinée aussi, c'est un bel pays donc, qui a quatre régions naturelles, donc, dont la première région naturelle qu'on peut appeler la Basse-Guinée ou la Guinée-Maritime, donc, qui est remplie par les Soussous et puis autres ethnies. Donc la deuxième subdivision de la Guinée, c'est aussi ce qu'on appelle la Moyenne-Guinée, qui est le... qu'on appelle Oufuta Jalon, donc qui a vraiment des plaines, des montagnes, et puis qui a une belle climat, ou je ne sais pas, je ne me souviens pas trop. Et puis encore, il y en a aussi ce qu'on appelle la Haute Guinée, donc qui est la région Mandingue, donc qui est voilà, le côté des Malinké, donc voilà. Et puis la dernière subdivision de la Guinée, c'est ce qu'on appelle la Guinée forestière ou le dorsal Guinée, donc qui est aussi frontalier à Lola par la Côte d'Ivoire. Donc ce pays-là, c'est un pays qui a une histoire très riche, donc qui a acquis son indépendance depuis 1958, dont le référendum donc était le 28 septembre. Donc l'hymne national de la Guinée, y compris dans ça. Donc c'est un pays qui a été pour la première fois dirigé par le président Félix Sékou Touré jusqu'au 26 mars à son décès en 1984. Et puis il y a eu un putsch qu'on appelle le général Alassane Conté qui avait pris le pouvoir à l'époque. Il est resté là-bas jusqu'à un certain temps. Donc la première élection qui a été organisée en Guinée, je crois, c'était en 1993. C'était l'élection et là où il y avait des opposants, Faye Bamamadou, Faye Sirah Diallo, Faye Jean-Marie Doré. Donc et voilà. Et puis le général Conté, il était resté au pouvoir jusqu'en 2009. Et voilà, date à laquelle il y avait eu le putsch de Dadis Camara suite au décès du général Alassane Conté. Et donc voilà, il y a eu aussi une autre push qu'on appelle Sékou Bakounaté, donc qui avait pris le pouvoir, et quand Dadis s'était tiré, donc tout le monde avait suivi cela, et Dadis il avait été au Maroc pour se soigner, donc il est retenu à Ouagadougou, là où on avait dit qu'il devait faire sa convalescence. Et puis après il y a eu ce qu'on appelle la première élection en Guinée, dont il y avait l'opposant Sélou Dalein Diallo et dont il y avait l'opposant Sidya Touré. C'était des tonneurs de la politique du général Alassane Conté. Tous ces leaders là avaient dirigé le pays, ils étaient tous des premiers ministres. Donc, ils ont montré leurs compétences dans le pays. Et donc, ces élections-là se sont très mal passées. Donc, on a commencé à voir donc, la première élection qui avait eu lieu. Et donc, ça, il n'y avait pas eu du tout de transparence, vu qu'il y avait un premier tour, donc, dont certains parlaient d'une victoire écrasante du chef de file de l'opposition, qu'on appelait Sélou Dalein Diallo. Et donc, après, il y a eu maintenant cette dictate donc, de mettre le deuxième tour. Donc, il y avait 6 mois entre le premier et le deuxième tour, dont la loi ne prévoyait pas. C'est là, et voilà, donc à l'issue de laquelle donc Alpha Condé a été élu comme président de la République, donc sous la contestation, mais finalement Sélou Dalein Diallo avait accepté de céder, donc il a reconnu la victoire de Alpha Condé. Donc il y a eu le deuxième tour aussi, donc voilà, et où il avait gagné. Donc actuellement nous sommes dans une phase où le mandat du président Alpha Condé doit être son deuxième mandat, et ça doit finir bientôt en décembre 2020. Et donc tout le problème de la Guinée maintenant commence donc à la fin du mandat de Alpha Condé. Voilà, c'est comme ça que je peux présenter la Guinée jusqu'à maintenant. Ok. Et vous avez combien d'ethnies en Guinée ? En Guinée, il y a à peu près plusieurs ethnies. Donc les ethnies principales sont les Peuls, qu'on appelle, qui parlent le Poulard, et donc dans les régions et la Fouta et le Fouta Jalon. Il y a aussi ce qu'on appelle les Soussous, et puis ils sont plus nombreux en Basse-Côte, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les Malinké, donc ils sont plus nombreux dans les régions et le Mandingue, où il y a aussi des forestiers, il y a les Baga, il y a toutes sortes d'ethnies, mais aussi il y a d'autres ethnies, mais ce sont les grandes tendances des ethnies qui existent en Guinée. Donc tout se passe entre ces quatre ethnies. Oui. Et entre les ethnies, les gens s'entendent bien ou c'est des ethnies qui se... Ouais. Disons normalement du point de vue comme moi j'ai vécu en Guinée, donc je suis né là-bas, donc voilà, il y a ce qu'on appelle le Sanakuya entre les ethnies, et puis les Malinké qui appellent les Peuls, les Foulajon, et puis les Peuls aussi qui appellent les Malinké, les Maninkajon. Donc à l'époque c'est vraiment le chahitement entre les ethnies. Donc point de vue, s'ils s'entendent bien, si on voit un peu l'histoire de la Guinée, et vu le premier président Amédée Sékou Touré qui avait demandé à chaque ethnie d'étudier sa propre langue. Donc, du point de vue historique, on n'a pas vu une unification du pays. Donc, on a vu une division totale des différentes ethnies donc, qui devaient exister en Guinée. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment l'entente. Il n'y a pas une union. Unité entre les différentes ethnies. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une union entre les ethnies. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est fomenté par les différents présidents au pouvoir ou c'est parce que c'est des ethnies complètement différentes? Oui, normalement, c'est des ethnies complètement différentes, mais je peux dire que c'est fomenté par le premier président Amédée Sékou Touré. Donc, il avait complètement raté de ce point de vue et sa politique d'unifier ce pays. Je pense que c'est ce qui a continué jusqu'à maintenant. Okay. Parce que vu que ce sont les mêmes personnes qui avaient dirigé le premier régime de la Guinée, d'Amédée Sékou Touré, ce sont ces mêmes personnes qui entourent tous les présidents qui viennent. Ce sont ces mêmes personnes qui étaient derrière l'Ansana Conté. Ce sont ces mêmes personnes qui sont actuellement avec M. Alpha Condé, qui sont en train de faire n'importe quoi dans le pays. Et alors Alpha Condé, est-ce qu'on peut le présenter, Alpha Condé? Oui, Alpha Condé, Zadis appelait l'opposant historique avant 2010. Oui, parce qu'il a été en prison. Oui, il a été en prison en 1998, avant les élections présidentielles, parce que le pouvoir de l'époque l'avait accusé de rébellion. Il avait formé une rébellion pour prendre le pouvoir du feu général Ansana Conté, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Bon, on a l'habitude avant 2010 de l'appeler l'opposant historique parce que durant une quarantaine d'années, il a vécu en France. Mais entre deux élections, il partait en Guinée pour se présenter pendant les élections présidentielles. Bon, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire politique de la Guinée. Pendant 40 ans, comme j'ai dit, il a été un farouche opposant au feu Amédée Sékou Touré. Mais en 2010, dans des conditions que tout le monde connaît, des élections présidentielles ont eu lieu, mais il y avait une grande mascarade électorale. Il a gagné les élections, il est devenu le premier président démocratiquement élu, disons, on disait à l'époque. Mais depuis 2010 jusqu'à nos jours, 2010, ce monsieur Alpha Condé, dont toute la Guinée avait espoir, parce que pour nous, quelqu'un qui a vécu pendant une quarantaine d'années à l'Occident et est devenu président de la République, la Guinée allait se tirer d'affaire. Donc la pauvreté, on allait oublier ça. Les richesses économiques, je tiens à rappeler que la Guinée actuellement est le premier pays exportateur de bauxite au monde. Nous avons de l'uranium, nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du pétrole, nous avons toutes sortes de richesses. Mais depuis 2010, tout cet espoir-là est parti. Donc Alpha Condé, il a vraiment déçu. Il a déçu la Guinée dans son entièreté. Tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que les ethnies vivent ensemble en Guinée? Oui, depuis la belle lurette, les ethnies ont toujours cohabité ensemble, dans le respect mutuel, dans le partage, dans la solidarité. On ne faisait pas de distinction entre Soussou, Peul, Malinké, Forestier, ou bien entre musulmans et chrétiens. Mais depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir, le vivre ensemble, il est rompu. Il a utilisé la politique divisée pour mieux régner. Il a, avant même de devenir président en 2010, il avait, avec ses milices, empoisonné sa propre communauté, Malinké, pour accuser les Peul. Ensuite, beaucoup de Malinké se sont pris aux Peuls qui vivaient en Haute-Guinée à l'époque. Ils ont brûlé leur boutique, ils ont saccagé leur maison. Donc, cette même théorie encore, cette même pratique encore a commencé. Ces temps-ci, on a vu à la case de Madina, là où il y a la communauté malinké a d'importantes véhicules d'occasion. Ils ont brûlé là-bas les membres du gouvernement même qu'ils ont inciter les jeunes à brûler les voitures de ces derniers pour accuser les peurs. Donc Alpha Condé est en train de tout faire maintenant pour diviser les ethnies, pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Parce que comme vous le savez, son mandat termine cette année-ci, en 2010. Donc de nouvelles élections... 2020, on doit organiser de nouvelles élections présidentielles. Mais cet homme, puisque maintenant, il ne veut pas partir en 2020... Il fait tout pour modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. pour avoir un troisième mandat. Donc, depuis octobre dernier, octobre 2019, il y a ce qu'on appelle le Front National pour la Défense de la Constitution qui est né en Guinée. Donc, c'est un front qui est composé de syndicats, de partis politiques et de la société civile. Ils organisent des manifestations dans les rues de Conakry et à l'étranger, même en Belgique ici, pour empêcher, pour dire non au gouvernement d'Alpha Condé qu'on n'a pas besoin d'un troisième mandat, qu'on a besoin d'une alternance démocratique. Ok. Ouais. Et alors, donc, et alors qu'est-ce qui se passe actuellement ? Parce qu'à ce moment, il y a plein de manifestations dans les rues. Avec des massacres, parce que mais vous êtes un pays où il y a quand même pas mal de massacres, parce que bon, il y en a eu avant, il y en a maintenant, c'est quand même assez dur, quoi. Oui, vraiment. Le FNDC a commencé à faire des manifestations deux fois par semaine, les mercredis et les jeudis. Mais force est de constater à chaque manifestation, il y a des pertes en vie humaine, et c'est des adolescents qu'on tue. Des garçons parce que le Guinée est un pays très jeune, en fait. C'est un pays où il y a une forte majorité de jeunes. Justement, la moyenne d'âge nationale, c'est entre 18 et 25 ans, qui vivent presque tous au chômage. Ouais. Si vous avez constaté, en plus de ces manifestations où les forces de sécurité tuent des jeunes à bout portant avec des Kalachnikov qui tirent à bout portant comme si on était en guerre, chaque manifestation, on compte des morts. À chaque manifestation, on compte des morts. En plus, ces morts, il y a les jeunes qui sont découragés du système du pays. Il n'y a pas de travail. Les jeunes vivent au chômage. Ils ne boivent que du thé à longueur de journée. Et beaucoup de jeunes ont décidé maintenant de prendre la Méditerranée pour venir en Europe. Donc, en plus de ces théories par les forces de l'ordre, il y a aussi la Méditerranée. Comme on le connaît tous, on voit ce qui se passe dans les médias. La Méditerranée aussi fait son lot de morts. Donc, vraiment, la population guinéenne, maintenant, on ne sait plus à quel sein se vouer. Que ce soit en Guinée, que ce soit à l'extérieur, les Guinéens sont meurtris. Moi, je suis ici aujourd'hui avec un cœur vraiment brisé. Je ne reconnais plus la Guinée, je ne reconnais plus Alpha Condé. Cet homme qu'on avait tant espoir qu'il allait changer la situation de la Guinée, c'est tout à fait le contraire qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je crains pour l'avenir de ce pays. Parce que ce pays a tout pour réussir. On a une jeunesse vaillante, une jeunesse travailleur qui a envie de travailler. Mais ce président, aujourd'hui, il est là pour diviser cette jeunesse, pour diviser cette communauté. Mais heureusement que les Guinéens ont compris. Ils ont compris maintenant Alpha Condé. Avant, il accusait. Ou bien il faisait quelque chose à une communauté pour accuser l'autre. Maintenant, les Guinéens ont compris. Donc, on a toujours vécu ensemble dans la fraternité, dans la solidarité. Mais depuis qu'Alpha Condé est là, il ne fait qu'aggraver la situation. Donc, nous, FNDC, ou bien parti politique, ou bien syndicat, nous allons continuer, que ce soit en Guinée ou bien ici, à dénoncer ça. Et je profite de cette occasion ici à Radio Air Libre pour remercier les eurodéputés qui ont pris l'initiative lors de leur plaidoyer de parler de la situation de la Guinée pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Et ils ont eu le courage de demander à Alpha Condé de respecter la constitution dans laquelle il a juré deux fois, donc de respecter cette constitution et de partir et de préparer sa succession, d'organiser des élections libres et transparentes, comme nos voisins, le Sénégal, le font bien, les Béninois. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont en avance dans la démocratie. Mais la Guinée stagne vraiment et ça, c'est vraiment désolant. Ouais. Et alors, quels sont les soutiens internationaux au niveau de la Guinée? En tout cas, bof. Moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai vu que l'Union européenne, ils ont fait une plaidoirie là-dessus. La France aussi, via son ministre des Affaires étrangères, M. Drian aussi, il avait fait cette remarque que la population guinéenne n'est pas pour cette constitution, que les voisins ne sont pas pour. Donc, aux États-Unis aussi, le secrétaire chargé des Affaires étrangères aussi a fait une déclaration là-dessus. Aujourd'hui, nous avons le soutien du monde entier. Nous avons le soutien de la CEDEAO, nous avons le soutien de l'Unité africaine, nous avons le soutien de l'Union européenne, nous avons le soutien de tout le monde. Sauf quand même que, par rapport à ce que tu as raconté au début, que les grandes sociétés en fait appartenaient au groupe Bolloré. Est-ce qu'il n'est pas en train de se passer ce qui se passait en fait au Congo-Brazzaville, où c'est les sociétés privées en fait qui font en sorte de garder au pouvoir en fait un homme? Parce qu'il y a leurs intérêts là-derrière, surtout. Mais moi, je pense que si ces sociétés ils font ça, ils sont dans l'erreur. Que ce soit Alpha Condé, que ce soit Seloulalem ou Sidi Touré ou bien quelqu'un d'autre, celui qui arrivera au pouvoir, il sera obligé de travailler avec ces multinationales. En Afrique, on a la matière première. On n'a pas le savoir-faire. L'Europe a le savoir-faire. Donc, on est obligé, on est condamné à vivre ensemble. Donc, que ce soit Bolloré ou bien une autre multinationale ou des autres sociétés, quand il arrive sur place, le président qui est sur place, on est obligé de travailler avec lui. Même à la grande différence, en fait, c'est que quand ils font des contrats, en fait, ils font toujours du style. C'est un exemple. Hein. On fait 40% pour le pays, 70% pour l'exportation, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas là, en fait, Bolloré, il a besoin qu'un gars, parce qu'il sait que son pourcentage va rester, c'est un exemple, il y en a sûrement d'autres, hein, qui va rester, en fait, important pour sa société à lui et moins pour le peuple, comme ils ont fait. Mais ça a toujours été le cas. Partout, ça c'est pas seulement en Guinée, c'est oui, dans tous les pays africains, ça se passe comme ça. Malheureusement, on ne peut pas lutter à ce phénomène-là. Ici, en Belgique, parfois, on crie avec les paradis fiscaux. Donc, chaque pays a ses spécificités, ses problèmes là-dessus. Là-dessus, je voulais dire, en fait, le double message, en fait, par exemple, de la France, en fait, que quelque part, le gouvernement va aussi soutenir, en fait, si Bolloré peut rester et avoir des avantages pour la France, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est du donnant. C'est du donnant, non. Parce que d'un côté, ils vont vous dire, avec le ministère des Étrangères et tout, on va soutenir les Guinéens et tout le bazar, mais d'un autre côté, on va faire en sorte que quelqu'un comme lui va rester au pouvoir pour pouvoir garder notre pourcentage. De toute façon, que ce soit avec Bolloré ou bien avec le ministre des Affaires étrangères, s'ils, eux, ils jouent un double langage, nous, en Guinée, on ne joue pas un double langage. Nous, aujourd'hui, la population, elle est déterminée via le FNDC, faire de lance de cette révolution. Nous allons tout faire pour empêcher Alpha Condé de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, en Afrique, les présidents ne changent pas la constitution pour améliorer les conditions de vie des populations, mais ils changent la constitution uniquement pour leur propre intérêt, pour pouvoir se maintenir, oui, pour pouvoir se présenter une troisième fois, une quatrième fois, ainsi de suite. Aujourd'hui, la population guinéenne, elle est déterminée et elle ira jusqu'au bout. D'ailleurs, le président, vu qu'il ne peut pas maintenant modifier la constitution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couplé les élections législatives avec le référendum. Comme ça, les personnes qui vont aller voter pour ce référendum, en même temps, on va dire que ces personnes ont voté pour le référendum. Donc là, même pour ça, le FNDC est déterminé à empêcher le 1er mars les élections législatives, le couplet de le référendum de se tenir. Donc nous irons jusqu'au bout. Ouais. Il y avait toi qui avais quelque chose à rajouter. Oui, je voulais rajouter un peu à propos de ce que mon collègue venait de dire, à savoir sur la question dont vous avez posé, qu'est-ce qui se passe actuellement en Guinée. Donc la Guinée, qui c'est un pays jeune. Et politiquement, je voudrais un peu expliquer la stratégie, comme je vous l'avais dit. Donc, les premières personnes qui avaient dirigé avec le feu Ahmed Sékou Touré, ils sont restés toujours avec le feu général Lansana Conté. Ce sont ces mêmes personnes qui sont venues encore, comme vous le savez, la stratégie. Donc, Sélou Dalein étant déclaré normalement, il devait être le vainqueur des élections de 2010, et puis, ou bien la deuxième élection. Donc, vu que Alpha Condé ne respectait pas les lois du pays, il ne respectait pas même des accords qui étaient signés quand la loi était absente, et les partis politiques faisaient tout. Et pour faire signer Alpha Condé, au moins de respecter des accords qu'ils prenaient entre eux ou des accords qu'on appelait des accords tripartites. Donc, comme vous le savez, à la capitale guinéenne, Conakry, il y a les 5 communes de Conakry. Donc, à savoir, il y a le bastion du chef de file de l'opposition qu'on appelle Sélou Dalein Diallo, qui est la commune de Ratoma et qui est la deuxième grande commune après la commune de Matoutou. Donc, qu'est-ce qui se passait maintenant? Le pouvoir était là, donc étant triché, donc il était déterminé à aller jusqu'au bout et il avait déterminé qu'il n'accepterait pas d'être volé pour une deuxième fois. Donc, on vu d'abord les électeurs qui vivent en Guinée, donc on sait que la Guinée, c'est un pays, donc l'État est en train de tout faire pour qu'il y ait le maximum de lettrés en Guinée. Donc, vu que la plus grande majorité de la population, c'est des analphabètes, donc la structure d'abord des partis politiques, c'est des partis politiques qui sont purement et communautaires. Donc, même le programme de société, on avait vu en 2010 quand il devait y avoir un face-à-face entre M. Alpha Condé et Sélou Dalein Diallo pour débattre sur leurs différents programmes de société en cas si l'un d'eux serait arrivait au pouvoir. Donc on avait vu Alpha Condé qui avait refusé cela. Et donc on avait compris dès lors que c'était, ça allait être une élection communautaire. Donc il y avait eu une grande division. Donc quand Alpha Condé avait eu le temps de, entre les deux tours, 6 mois, il avait réussi à manipuler. Voilà, comme je vous avais dit tantôt au début, donc le peuple n'était pas tout à fait uni. Donc il y avait eu cette division qui avait été ancrée par le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Et donc on arrivait toujours à manipuler certaines ethnies au profit des autres, parce que les électeurs guinéens ne choisissaient pas en fonction des programmes de société, et parce que normalement il y avait des universitaires, donc il y avait besoin de voir des programmes de société de chacun. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a la stratégie. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, donc normalement Sidy Touré s'était allié à Sélou Dalein Diallo lors du deuxième tour. Donc vu que mais les électeurs de Sidy Touré avaient complètement refusé de voter pour Sidy Touré parce qu'il s'était rallié à l'opposant Peul. Donc le pouvoir en place, donc avec les organisateurs des élections, ils avaient réussi à faire basculer les électeurs vers Alpha Condé. Donc que chacun disait que c'était voilà le génie de la Guinée, ça allait être le Mandela de la Guinée. Mais nous avons tous vu, donc quand il y a eu maintenant cette défaite là, donc à chaque manifestation, le régime d'Alpha Condé venait dans la commune de Matoto où il y avait des peuls, parce que les peuls, donc ils sont vraiment tristes. Donc depuis l'indépendance, on sait que ce sont des grands défenseurs de la démocratie en Guinée. Ils veulent toujours qu'il y ait un développement en Guinée. Donc c'était tout le temps les peuls qui étaient massacrés dans la commune de Ratoma, et ce qui continue actuellement jusqu'à présent. Donc même s'il y a des manifestations dans la commune de Kaloum ou à Ratoma, dans la commune de Kaloum ou à Matoto ou n'importe quelle commune, donc toujours il y avait des massacres ciblés vers les peuls. Donc je tiens à vous dire, moi j'habite aussi la commune de Ratoma, et j'étais là-bas en 2010 et j'avais vu comment c'était passé quand on avait déclaré Alpha Condé vainqueur. Donc Alpha Condé avait préparé vraiment des troupes qui étaient prêtes. Donc si on déclarait Sélou Dalein Diallo vainqueur, de prendre d'assaut les peuls, donc pour massacrer des peuls. Donc je pense qu'Alpha Condé il est venu au pouvoir avec plein de haine, donc vu qu'il avait été interdit d'abord, donc il avait été accusé d'abord par le feu général Conté d'avoir voulu entrer, parce que lors des élections de 93, on avait voulu dire que c'était Alpha Condé qui avait gagné les élections, alors que Conté s'était autoproclamé vainqueur, parce qu'il était au pouvoir et il avait organisé des élections. Donc de ce point de vue, on croit que Alpha Condé il est venu avec plein de haine. Donc voilà, avec ça il a réussi à faire toujours ce que les présidents dictateurs africains font, et diviser pour régner. En Guinée, la stratégie qui se passe, c'est qu'on a tendance à mettre les peuls de côté pour dire que ce sont ces ethnies-là qui s'opposent à ce que nous soyons au pouvoir. Donc sachez qu'il y a des personnes qui sont derrière Alpha Condé, donc qui étaient encore avec Ahmed Sékou Touré et qui sont restés avec Général Conté, et qui étaient encore un peu avec Dadis et Sékouba Konaté. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de mener cette politique qui est en train de se passer en Guinée. Ouais. Donc voilà, pour vous expliquer un peu la stratégie qui se passe actuellement en Guinée. Oui, ok. On va peut-être passer un petit morceau de musique et on reprendra après, parce que là... Ça va, on y va. We'll be right back. ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, oh, toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. On est toujours sur Tranche d'Anard. Donc, on parle toujours de la Guinée avec nos deux invités. Moi, je voulais revenir sur le rapport que la Guinée a avec la Russie. Parce qu'il y a eu pas mal de contrats qui sont passés avec le président russe. Est-ce que la Russie peut avoir une influence sur les élections ou la façon dont... parce qu'on sait que bon, la Russie s'ingère un peu dans pas mal d'élections aux États-Unis, peut-être un peu en France ou des trucs comme ça. Est-ce qu'elle peut aussi avoir une influence en Guinée? Vous savez, en 1958, quand la Guinée avait voté non au référendum pour demander l'indépendance à la souveraineté internationale, quand il y a eu la rupture entre la Guinée et la France avait bloqué la Guinée au niveau européen. Du coup, la Guinée s'était retranchée vers les pays de l'Est, donc notamment l'Union soviétique à l'époque, donc à l'actuelle Russie. Donc la Russie, c'est vrai, depuis 1958, collabore avec la Guinée. Aujourd'hui, même le monde Simandou est détenu par une entreprise russe, je ne sais pas comment ça s'appelle, Russal, quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, les FNDC, on est déterminés. Même si Poutine soutient Alpha Condé, ça ne marchera pas. D'ailleurs, il ne le soutient même pas. Quand son ambassadeur, comment il s'appelle, j'ai oublié l'ambassadeur, là, l'ambassadeur de Russie accrédité à Conakry, s'était immiscé dans les affaires de la Guinée, 2 mois plus tard, il avait été limogé. Donc ça veut dire que la Russie garde sa neutralité dans le système politique guinéen. Oui, parce qu'elle a des intérêts économiques importants quand même, la Russie, parce qu'au niveau des, des trucs miniers sur la bauxite et tout ça. Oui, c'est des contrats. Même, c'est ce que je disais tantôt. Même si Alpha Condé part aujourd'hui, quelqu'un d'autre arrive, il sera obligé de travailler avec l'Occident, que ce soit l'Europe ou la Russie, les États-Unis, l'Inde. Aujourd'hui la Guinée elle est ouverte aux pays du monde entier. On peut travailler avec qui on veut. On peut travailler avec qui on veut. Même si la Russie s'immisce dans les affaires de la Guinée, et je ne le pense pas, parce qu'ils respectent au moins l'indépendance de la Guinée. Moi, je ne pense pas que Poutine, ou bien la Russie, soutiennent Alpha Condé actuellement. En tout cas, peut-être officieusement, mais officiellement, il n'y a pas quelqu'un qui soutient Alpha Condé. Même ses amis l'ont abandonné. Tony Blair l'a abandonné. Le Français là, Bernard Kouchner, il a abandonné. C'est les journalistes internationaux là, qui travaillent avec Zenafrique, ils se sont distanciés de lui depuis qu'ils ont vu que Alpha Condé maintenant s'obstine à prendre le pouvoir, à confisquer le pouvoir pour tous. Ils se sont éloignés. Même les journalistes Albert Bourzi et François Soudan de Zenafrique, ils se sont distanciés. Et pourtant, ces gens-là, depuis qu'Alpha Condé et pouvoir, il écrivent que des éloges sur lui. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on peut dire que toutes ces personnes-là se sont distanciées d'Alpha Condé. Ouais. Tu as quelque chose à rajouter? Oui. Parlant de l'ingérence russe dans les affaires internes de la Guinée, moi, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, vu que la Russie a d'importants intérêts en Guinée, donc c'est possible. Mais parlant de ça, donc moi, je pense d'abord il y a un non-lieu. On a d'abord en Guinée les principaux leaders d'opposition, à savoir l'UFR, l'UFDG, à savoir le parti de Lansana Kouyaté, le parti de Faye Amilimoulo, donc tous les grands opposants de la Guinée qui avaient participé lors des précédentes élections, donc qui allaient donner vraiment une crédibilité aux élections. Donc si une élection d'abord a des crédibilités, on peut parler d'ingérence. On sait que c'est possible. Donc même aux États-Unis, on a parlé avec Donald Trump d'ingérence russe. Donc comme vous l'avez si bien dit, en France, c'est bien possible. Mais en Guinée, je pense qu'il y a d'abord il y a un non-lieu. Est-ce que ces élections auront lieu? Parce qu'on sait que d'abord Alpha Condé il avait programmé d'abord de faire des élections législatives au début, donc c'était le 16 février donc passé, et donc mais on a vu donc il y avait eu d'abord un recensement, même en Belgique ici les gens se sont recensés. Mais moi j'avais vite compris que donc les leaders ils avaient, je dis pas qu'ils ont fait des erreurs, mais pour moi comme ils savaient que donc ce n'est pas une transparence, donc si Alpha Condé qui devait organiser des élections législatives donc n'avait pas respecté, donc il a attendu un an avant l'expiration de son deuxième mandat, il convoque pour organiser des élections législatives, et je pense qu'il était en train de traîner l'opposition dans une phase où ils allaient organiser une mascarade électorale, donc pour installer une assemblée et donc dont le RPG serait majoritaire pour pouvoir faire passer donc donc ces décisions donc avant de soumettre le peuple à un référendum. Donc vu que l'opposition avait fait volte-face, parce que l'opposition il s'était bien enrôlé, donc il avait vraiment demandé à ses militaires d'aller s'enrôler. Donc vu la liste électorale dont la population de la Guinée est de 12 à 13 millions d'habitants, on a vu une liste électorale qui est à peu près 8 millions d'habitants. On n'a jamais vu cela dans le monde entier. Donc c'est une liste électorale d'abord qui est bourrée de mineurs, et puis une liste électorale qui est vraiment anormale, pas normale. Donc de ce point de vue, on a vu d'abord à l'interne, d'abord ça ne marche pas, donc il y avait eu des partis qui disaient oui on va aller avec Alpha Condé donc aux élections législatives, donc et puis le FNDC, comme mon ami le dit toujours, c'est une grande force qui est vraiment créée, dont l'opposition qui avait tant manifesté avec l'UFDG toujours qui sortait dans la rue. Donc deux fois, à un moment donné, on avait vu Soulia Touré qui s'était rallié au pouvoir pour être je ne sais pas quel poste ou avec Alpha Condé. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait, s'il pensait qu'au RPG on pouvait le présenter donc pour être le candidat. Donc vu que cela ça n'a pas marché, il est retourné. Donc on avait vu l'UFDG qui était tout le temps dans la rue avec ses militants, et je pense que c'est pourquoi il y a un assassinat ciblé dans la commune de Ratouma, parce que c'est le principal fief du chef de file de l'opposition, c'est le Dalain Diallo. Et donc nous avons vu vraiment que ces élections n'ont pas l'air d'avoir lié, parce que il y a une grande tension actuellement en Guinée. Donc le FNDC a pris position, comme on le dit toujours dans une chanson qu'on appelle l'hymne du FNDC, donc qui avait été créé, qui ressemble un peu à l'hymne national de la Guinée. Et donc le FNDC a pris position pour sauver pour la nation le patrie. Donc on a vu, on ne peut pas continuer avec cette dictature. Donc le feu Ahmed Sékou Touré qui avait fait 26 ans au pouvoir, le feu général Alassane Conté qui avait fait 24 ans au pouvoir, et Alpha Condé ne peut pas nous assourdir. On comprend toujours les dictatures africaines, ils ont toujours ce qu'on appelle une politique divisée pour régner. C'est ce que je vous ai dit en Guinée. Donc les peuples sont victimes de cela et ils sont les principaux et donc victimes du pouvoir d'Alpha Condé, comme ils ont toujours été les principaux victimes des régimes passés. Et donc, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir l'ingérence russe dans des élections en Guinée, parce que les Russes, ils ont réussi à s'ingérer dans les élections américaines qui a même voulu coûter même l'impeachment de Donald Trump. On a vu dans le Sénat a refusé que les principaux, les principaux témoins viennent au Sénat pour vraiment donner leur témoignage. Donc, on a vu Donald Trump qui a été vraiment déclaré non coupable de tout ce qui se passe. Donc, la Russie étant une grande puissance, on sait qu'il peut à lui seul faire peur même à l'Europe, et même aux États-Unis. Donc, c'est possible. Mais nous savons en Guinée qu'il n'y aura pas d'élection parce que le FNDC a déjà pris position. Et donc, on ne voit pas du tout comment ces élections peuvent se dérouler. Donc, si les différents opposants, Sélou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Faya Milimolo, étaient vraiment prêt pour aller aux élections, on pouvait penser, donc Alpha Condé pouvait faire quelque chose, mais actuellement, je ne sais pas comment la Russie peut s'ingérer dans une élection. On ne croit pas qu'il peut y avoir lieu parce que, comme mon ami m'a dit, donc ce 1er mars qui a été déclaré pour couper les élections, et on a même vu encore quand ces partis qui ont voulu rejoindre Alpha Condé donc pour aller aux élections législatives, quand ils ont vu vraiment que ça n'allait pas avoir lieu et que le parti du RPG Arc-en-Ciel a vu que franchement il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix, donc on ne pouvait pas organiser des élections. Ils ont saisi ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle pour les demander des avis pour pouvoir repousser ces élections. Donc on a vu une stratégie. Donc il y a une partie que je voulais vous rappeler tout dernièrement aussi, il y a ce qu'on appelle les sages, donc les religieux. Donc quand la population a commencé à souffrir avec le mouvement du FNDC qui avait voulu déclarer un non-stop aux différentes manifestations du pays, parce que ce sont les futurs fils du pays qui sont en danger. Donc les religieux sont intervenus et ils ont demandé aux partis politiques d'arrêter d'abord, ils vont voir avec le pouvoir en place pour pouvoir négocier. Donc après, le pouvoir d'Alpha Condé ne voulait pas les écouter. On a entendu qu'Alpha Condé n'a pas voulu recevoir ces religieux. Donc qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Il a essayé de faire un décret dans lequel il a parlé de couplage des élections législatives avec le référendum. Donc, ce qui a ébahi tout le monde. Donc, même certains partis ont dit non, nous, on n'était pas là pour aller à ce fameux référendum dont tu fais allusion. Donc, nous, on n'est pas prêts. Donc, certains partis se sont reculés. Donc, on a vu des gens qui soutiennent le RPG, dont Malick Sankon et donc M. Damaro, qui était chef de groupe au Parlement, et donc qui représentait le RPG. On a vu tout ce que ces gens disent. Leur intention, c'est quoi? C'est de faire une partie nation donc qui allait régner sur la Guinée tant qu'ils veulent. Donc, on sait actuellement en Guinée que les peuples sont en danger. Donc, parce que le pouvoir d'Alpha Condé, il s'est assis sur les peuples pour dire que ce sont ces gens-là qui ne veulent pas que nous restions au pouvoir. Donc, il faut les massacrer. Donc, actuellement, ils ont parlé même des scénarios qui ont été montés par le pouvoir en place, à savoir un bateau qui venant de la Turquie, donc, dont on faisait allusion que c'était de l'alimentation, alors que c'est des armes, donc, pour aller attaquer donc, dans une ville forestière ou mal équipée, et pour faire croire que ce sont ces peuples-là qui sont attaqués. Donc, pour pouvoir s'attaquer au peuple et déclencher ce qu'on appelle un non-lieu et une non-stabilité dans le pays. Donc ça peut conduire un peu à une guerre civile au pays. Donc pour vous dire combien de fois la Guinée est en danger. Et alors, est-ce qu'il y a un soutien des autres ethnies par rapport aux peuples qui sont massacrés en ce moment ou Sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos où des personnes d'autres communautés disent qu'ils sont peuls, Soussou, Malinké, qu'ils soutiennent les peuls. Donc, comme j'ai dit tantôt, la Guinée, les communautés ont toujours vécu ensemble, dans la solidarité, dans la fraternité. Il n'y a jamais de problème. C'est toujours la politique du mieux divisé pour mieux régner que Alpha Condé a instauré là-bas, mais la population guinéenne, dans son entièreté, l'ont compris, ils ne se laissent plus faire maintenant. Aujourd'hui, en Guinée, la Guinée est un grand importateur. Nous, on n'a pas presque d'usine chez nous. Tout ce que nous consommons, ça vient des pays voisins, de l'extérieur. Aujourd'hui, Alpha Condé, son régime, ils ont fermé les frontières avec les pays limitrophes. Ils ont interdit l'importation des marchandises des pays voisins, soit disant qu'il y aurait une attaque de djihadistes. Donc, ils ont interdit maintenant de prendre les marchandises d'entrer en Guinée. Maintenant, le peu de marchandises qu'on avait en stock, c'est presque fini. Et on dit que les marchandises maintenant ne rentrent que par le port ou bien l'aéroport. Et vous savez, le port de Conakry, l'aéroport, la lenteur que ça prend. Si ça continue comme ça, la population aura faim. Et quand la population aura faim, elle va se soulever d'un seul homme pour décrypter Alpha Condé sur le pouvoir. On va même pas attendre jusqu'à décembre 2020. Et quelle est la position des pays limitrophes, justement? Les pays limitrophes sont contre, même le président de Guinée-Bissau, nouvellement élu. Quand il est élu, le premier discours qu'il a fait, c'est d'attaquer Alpha Condé. Il a dit, Alpha Condé, puisqu'il était médiateur en Guinée-Bissau, il a dit que Alpha Condé a tout fait pour qu'il ne devienne pas président. Donc, la Guinée ne mérite pas un tel président. Ce qui se passe en Guinée est déplorable, ce sont ses propos. Il disait qu'en Guinée, les forces de sécurité entrent dans les maisons, ils violent, ils volent, ils raquettent. Même dans les cimetières, les forces de sécurité poursuivent la population là-bas pour les tuer. Donc aujourd'hui, en ce qui se passe en Guinée, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Nous appelons au secours à la communauté internationale. D'ailleurs, ils ont montré leur soutien. En ce qui concerne les pays voisins, je pense qu'ils ne sont pas pour. Parce que même les pays voisins, maintenant, par exemple, si je prends le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, le président, ils ont montré clairement que dans le pays, il n'y aura pas de troisième mandat, qu'ils ne vont pas modifier la constitution, que le deuxième mandat, ils vont partir. Mais le nôtre, lui, il laisse planer le fou. Il ne dit pas qu'il ne sera candidat, il ne dit pas qu'il ne sera pas candidat. La dernière fois que Radio France Internationale, RFI et TV5 Monde l'ont interviewé, il a dit que c'est son parti qui décide. Si son parti le choisit comme candidat, il sera candidat. Mais son parti ne doit même pas le choisir. Parce que... Oui, puis j'ai vu aussi... Sa mandature est finie, lui. Oui, j'ai vu aussi une interview de lui sur France 24, où il disait « Je ne vois pas pourquoi dans d'autres pays on peut briguer plusieurs mandats, alors que chez moi, on m'interdit de briguer justement, plusieurs mandats. » Justement, dans ces pays où le président de la République modifie la constitution pour briguer troisième, quatrième, cinquième mandat, il n'y a pas de démocratie. C'est l'anarchie, c'est la pauvreté totale. C'est ce qu'il veut faire en Guinée. Mais nous disons non, nous refusons ce système-là. Nous voulons un pays indépendant comme nos voisins, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Kenya, etc. Ou bien ce qui se passe ici. Mm-hmm. Mais c'est nous, ce système-là, ça doit être révolu. Donc nous, Amer Sékou Touré, quand il était là, il est élu jusqu'à sa mort. L'ensemble de compte est venu. Lui aussi, il est resté jusqu'à sa mort. Lui aussi, il veut faire la même chose. Mais nous refusons ça, nous. Mm-hmm. La nouvelle génération, nous, on refuse ça. Nous, on veut des élections libres et transparentes. À l'instar de ce qui se passe dans les autres pays, nous voulons la même chose dans notre pays. Si vous constatez ici en Occident, vous avez des présidents, des ministres qui ont entre 40 ans et 50 ans. Mais chez nous, on a des octogénaires, 80 ans, des nonagénaires, 90 ans. Mais ça ne peut pas. Nous avons, en Guinée, aujourd'hui, nous avons une classe politique nouvelle, des jeunes qui sont là, des jeunes leaders qui sont ambitieux, qui veulent développer le pays. Donc, ces octogénaires-là, ces nonagénaires-là, politiquement, on doit les oublier. Mm-hmm. Vraiment. Mm-hmm. Ouais. Et la Guinée, c'est un pays à majorité musulmane? Oui, 95% de la population, elle est musulmane. Et que disent les chefs religieux? Les chefs religieux, ils ont dit non à la modification de la constitution. Mm-hmm. Même le Kountigui de la Basse-Côte, c'est un érudit religieux qui est très respecté en Guinée. Il a dit que le pouvoir en place on vous lit. Et quelle influence ils peuvent avoir sur Alpha Condé? Quelle influence ils peuvent avoir sur Alpha Mais Condé? Il a fait une déclaration, il a dit que le pouvoir en place a voulu le corrompre avec 350 000 dollars pour qu'il dise qu'il soutient la constitution. Il a refusé. Donc les chefs religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, ils sont tous opposés à la modification de la constitution. Mm-hmm. Aujourd'hui en Guinée, c'est des manifestations partout. Hormis les manifestations deux fois par semaine qu'organise les FNDC, il y a les élèves et étudiants qui manifestent presque tous les jours. Il n'y a pas d'école. Les écoliers sont toujours dans la rue pour réclamer leurs enseignants. La Guinée, vraiment, depuis qu'on est indépendant, on n'a jamais connu une telle situation. Mais ces temps-ci, Alpha Condé, vraiment, on ne le reconnaît plus. Soit, comme vous l'avez dit l'autre, soit il est envoûté par son entourage pour le maintenir au pouvoir, soit il a perdu ses raisons et il ne joue plus ses facteurs mentaux. Parce que ce n'est pas le président que la Guinée avait élu en 2010. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Le pouvoir est corrompt, il ne faut jamais oublier quand même. Hein. La faute est bien à mon sens. Qu'est-ce qui risque de se passer si, en fait, le référendum sur la Constitution ne passe pas? Ça veut dire que... Si jamais c'est non. Ouais. Non pour la réforme de la Constitution. Ouais. Si jamais il y a quand même le référendum qui a lieu et que les gens disent non à la Constitution. Non, mais vous savez, en Afrique, jamais un référendum, on dit non. Toujours, c'est oui. Ah bon? Ah oui, en Afrique, c'est comme ça. Oui, mais s'il y a une telle contestation... Même si, par exemple, toute la population à 100% vote non, le pouvoir en place va faire le communiqué, dire que la population a voté à 90% oui. Ça se passe comme ça. Oui, vous pouvez faire vos recherches. Donc c'est des fraudes électorales, alors. C'est un hold-up, c'est une mascarade. C'est pour cela que la population, que les FNDC veut empêcher Alpha Condé. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas aller jusqu'au référendum. Non, si de toute façon le résultat il est connu d'avance, ce sera oui, parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Mais quand il est élu en 2010. Mais il n'y a pas une commission nationale, une commission. Mais c'est à sa solde. Cette commission nationale indépendante, c'est au solde d'Alpha Condé. Ouais. Pourquoi lui, quand il est venu en 2010, quand il est élu président, pourquoi il n'a pas modifié la constitution à ce moment-là? Mais non, pourquoi il a attendu jusqu'à son dernier mandat, la fin de son mandat, pour dire qu'il veut modifier la constitution? C'est parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir, comme ses prédécesseurs. Il faut Amer Sékou Touré, il faut Lansana Conté. Et nous, les FNDC, les partis politiques, les syndicats, la société civile, nous disons non. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Et nous irons jusqu'au bout. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que les référendums, en fait, les réponses, tu en as toujours deux. C'est oui ou oui mais, en fait, c'est ça surtout. Non, il n'y a pas de oui mais, c'est justement. En tout cas, il n'y a pas de non. C'est le oui qui l'emportera. Et là, c'est connu d'avance. C'est pour cela que les FNDC, vous allez voir, le 1er mars, ils ont commencé le parti de pouvoir à faire la campagne électorale, mais c'est une campagne électorale qui se passe uniquement à la télévision nationale ou bien au fief du parti au pouvoir. C'est le seul endroit où il y a des campagnes électorales. Sinon, actuellement, dans les autres régions de la Guinée, y compris même qu'on a créé, il n'y a pas de campagne électorale. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé en République du Congo? Ça ne fait pas réfléchir un petit peu, parce que Kabila, il voulait aussi, en fait... Justement, il y a d'autres observateurs qui disent Alpha Condé, il veut faire la même chose. Ça veut dire, c'est de mettre des tensions par-ci et par-là en Guinée pour repousser les élections. Parce que, puisqu'il sait que organiser un référendum, c'est compliqué, maintenant, il va tout faire pour mettre le discrédit entre les Guinéens pour qu'il en vienne aux mains, pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2020, pour comme ça, il va repousser les élections pour s'éterniser encore au pouvoir. Fou, fou, fou, il devient fou. Fou, fou, fou, Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou, il devient fou. Fou, fou, fou, Alpha Condé devient fou. Devient fou. cette vidéo pour dire non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir le troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat des Guinéens aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Rastafari, yes I. Danico, the magic fingers on the beat. Fou, fou, fou, il devient fou. Fou, fou, fou, Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou, il devient fou. Fou, fou, fou, Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou, il devient fou. Fou, fou, fou, Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou, il devient fou. Alpha Condé devient fou. Voilà, donc c'était Tiken Jaffa Coli qui avait fait un truc comme ça. Voilà, et la chanson précédente qu'on avait passée, c'était Guerre civile, c'est ça ? Ouais. C'était Alpha Blondie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? C'est de continuer de lutter. Continuer de faire les manifestations comme le FNDC le fait actuellement en Guinée et à l'international, de sensibiliser cette question guinéenne autour des voisins. Donc le FNDC a pris aussi l'initiative maintenant. Désormais, dans le futur, nous allons manifester devant ces domiciles ou bien dans les écoles ou bien les universités des enfants, des ministres qui soutiennent Alpha Condé actuellement. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces personnes soutiennent Alpha Condé pour qu'ils mettent le pays dans le chaos et ces mêmes personnes envoient leurs enfants ici en Occident pour qu'ils étudient dans des écoles, des universités, en ayant des maisons que la population guinéenne n'a pas là-bas. Désormais, on va faire des actions devant les domiciles de ces derniers. Il y en a beaucoup ici à Bruxelles ? Il y en a ici à Bruxelles, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a au Canada, aux États-Unis. Donc, on a commencé à faire des enquêtes. Désormais, on va continuer le combat au niveau international. Parce qu'il faut que ces personnes qui soutiennent Alpha Condé sachent que tout ce qu'ils font là-bas peuvent avoir des répercussions ici sur leur famille. Comment est-ce qu'ils peuvent laisser Alpha Condé faire ce qu'il veut ? Les forces de sécurité raquettent la population guinéenne. Pendant les manifestations, on voit des personnes, des garçons qu'on tire par le derrière. Ça veut dire que c'est des garçons qui essaient de fuir. On les tire par derrière, sur le dos, sur le nuque, sur les fesses de derrière. Donc, c'est des criminels. Pourquoi ces gens continuent de soutenir Alpha Condé ? Maintenant, nous aussi, à l'Occident, ici, le FNDC va s'organiser. On va organiser des manifestations. Nous, on ne va pas se venger sur les enfants de ces derniers, mais on va organiser des manifestations devant leur domicile, dans les écoles où étudient leurs enfants et dans les universités pour sensibiliser les voisins d'école ou bien les voisins de domicile pour dire que leurs parents en Guinée, c'est comme ça qu'ils sont. Donc on va internationaliser le combat parce que Alpha Condé, ce qu'il veut faire là, nous, on ne peut pas l'accepter. Si les autres chefs d'État à Merci Couture l'ont fait, bien l'ensemble de compter, nous, cette nouvelle génération, on va refuser ça. Ouais. Ceux qui font des actions contre les manifestants, c'est quoi ? C'est l'armée, la police ou bien c'est les milices privées ? C'est tout. Aujourd'hui, il a des milices. Alpha Condé, il a des milices. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, si c'est des vrais militaires guinéens, des vrais policiers guinéens, bien des vrais gendarmes guinéens, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, des vrais Guinéens ne font pas ça. Nous, on a entendu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, qu'Alpha Condé a fait venir des mercenaires du Burkina Faso, de l'Angola, du Mali, donc il les a donné des armes. Et ces derniers, c'est eux qui foutent le bordel actuellement en Guinée. Donc ça ne peut pas continuer. Nous voulons rétablir l'état de droit en Guinée, faire des enquêtes, si c'est nécessaire, déterminer les responsabilités pour que la Guinée aille en avant. Parce qu'on est fatigué. Oui, Non, tu penses. Je voulais intervenir un tout petit peu donc, concernant ce fameux référendum. Donc, comme vous le savez, donc, votre collègue avait posé tout à l'heure la question de savoir si c'est le non qui remportait. Donc, comme vous le savez, s'il y a transparence dans toute élection, ce soit une partie qui gagne. Donc, si c'est le référendum, c'est pour un objectif. Donc, ce soit un oui qui remporte ou bien un non qui remporte. Donc, comme vous le savez déjà, donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de transparence, donc, pour vous dire que aussi combien de fois ce sont ces mêmes personnes qui ont agenouillé ce pays pendant des années. Donc, ce sont ces mêmes personnes. Donc, à l'occurrence, je vous cite le nom d'une personnalité qui avait décrié le nom de la Guinée. À l'époque, il y avait une manifestation qui s'était passée. On avait appelé ça le 2-3 février. Donc, quand il y avait une personnalité du feu général Lansana Conté, donc ces gens corrompus qui détournaient l'argent des fonds publics de la Guinée. Il avait été emprisonné, donc le feu général Conté à l'époque était parti, et voilà, pour le faire sortir de prison, pour dire que la justice est lui. On avait vu en ce temps, il y avait une grande mobilisation de toutes les forces et la population guinéenne. Donc, à l'occurrence, il y avait eu l'arrivée au pouvoir d'un premier ministre neutre de Lansana, du nom de Lansana Kouyaté. Ben, on a vu un tout petit peu après. Donc, voilà. Et puis, il était parti. Donc, on a su que quand Conté était malade, donc, ce sont ses clans, ce sont sa femme, ce sont les fous de Bangoura, ce sont les Kilidi Bangoura, ce sont les Kassori Fofana. Donc, on avait vu Kassori Fofana qui avait détourné beaucoup, beaucoup d'argent et qui avait réussi à s'enfuir pour aller s'installer aux États-Unis. Donc, pour vous dire combien de fois aussi, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train d'agenouiller ce pays. Kassori, donc, quand Alpha Condé avait décidé, donc, son famille, donc, projet de s'éterniser au pouvoir ou de se venger contre, je ne sais pas, contre l'ethnie des Peuls, parce que vous savez, aussi Alpha Condé, il avait déclaré à un moment donné, quand il était venu récemment au pouvoir, qu'il avait pris la Guinée là où Ahmed Sékou Touré avait décidé la Guinée. Parce qu'on sait, que les Peuls, ils ont été toujours victimes, donc on les a toujours écartés dans le domaine du pouvoir, l'arcan que les Peuls, ils détiennent l'économie du pays. Donc s'ils venaient au pouvoir aussi, donc ils allaient, les autres ethnies n'allaient rien gagner. Donc, mais pour vous dire que le petit Peul que vous voyez, c'est un homme, c'est une femme qui est très intelligente, donc qui était courageux, donc qui est très combatif. Donc il essaie de s'y donner partout, voilà, pour avoir un développement dans le pays. Donc pour vous parler combien de fois Alpha Condé n'a même pas le droit de parler de référendum depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir en 2010. On a vu que rien n'a marché en Guinée. Il a encore mis le pays en genoux, en retard pendant plusieurs années, parlant des infrastructures de base. On n'a rien vu de ce qu'Alpha Condé a fait au pouvoir. On n'a rien vu. Le système de santé n'est pas bien. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et puis, la population est affamée. Et puis, les ethnies ne sont plus soudées. Donc, il est en train de mettre de la haine entre les ethnies. Donc, comme je vous ai toujours dit, le pouvoir est divisé pour régner. Donc, ce fameux référendum, donc, il n'y aura pas du tout de référendum, il y aura un soi-disant référendum. Donc, c'est pourquoi ces grands opposants, très respectueux, à l'occurrence, c'est Dalein Diallo, qui est vraiment une personnalité, vous savez, même, il fait partie même des libéraux du monde entier. Donc, ce monsieur Sidya Touré, qui avait été premier ministre en Côte d'Ivoire, donc, ils ont redressé l'économie de la Côte d'Ivoire, et ce fut monsieur Lansana Kouyaté aussi, qui est considéré comme une grande personnalité au niveau international. Donc il y a plein de grandes personnalités qui ont plein d'expériences, qui peuvent faire décoller la Guinée. Et donc, mais Alpha Condé, qui est entouré par ces personnes qui détestent la Guinée, donc sont là juste pour mettre le pays en retard. Donc ils ont mis un système en place, donc c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éterniser au pouvoir, pour continuer à bouffer, à mettre le pays en retard, à empêcher le pays pour avancer. Donc ce sont ces tactiques qu'ils ont mis en place. Donc voilà, et parce que vous savez, en Guinée, les Malinké et les Soussou, ils considèrent qu'ils sont ensemble, plus les Forestiers, ils ont tendance à dire que ce sont les mêmes, et la différence, ce sont les Peuls, c'est des personnes à part. Donc, vous voyez, donc, pour vous dire, donc, alarmant pour les Peuls en Guinée, il peut y avoir ce qu'on appelle un génocide. Donc, actuellement, il y a certaines personnalités même qui parlent de génocide Peuls en Guinée. Il y a même des articles de presse qui ont été écrits que vraiment des Peuls ont été beaucoup massacrés en Guinée. Ils sont vraiment ciblés, massacrés, et c'est un assassinat qui est organisé, qui est vraiment prémédité. Donc, alerte pour les Peuls en Guinée. Merci. Ok. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Peul comme lui aussi. Toi aussi, vous êtes Peul tous les deux. Oui. Oui, comme Aïcha aussi, qui est Peul. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais moi, je ne veux pas me focaliser toujours sur l'ethnie. Quand je parle au niveau guinéen. Oui, oui, bien sûr. C'est que beaucoup de Guinéens n'aiment pas ce que les Peuls subissent actuellement, toutes ces théories, toutes ces exactions, toutes ces raquettes. Beaucoup de personnes d'autres communautés condamnent ça. Donc la Guinée, elle est unie et indivisible. Nous allons travailler là-dessus. Alpha Condé veut faire le contraire, diviser les Guinéens pour mieux régner. Mais nous, on a compris maintenant sa politique. On s'organise au niveau du FNDC en Guinée, à l'international, pour libérer sa route. Parce que Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est très, très rusé. Il a réussi à gagner des élections quand il était opposant avec Seydou Dalein Diallo, qui était au pouvoir à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui est très rusé, mais aujourd'hui la population guinéenne a compris sa politique et compte libérer la route. Ouais. Et au niveau de la diaspora, vous avez des contacts avec les autres diasporas dans les autres pays européens ou... Même l'FNDC a une radio. Donc, vous avez une radio ? Oui, il y a radio FNDC International sur les réseaux sociaux. Donc ouais. Tout ce qui se passe dans les autres pays, tout le monde est au courant. Ah ouais. Donc il y a la solidarité. Parfois, s'il y a des actions en France, il y a l'FNDC Belgique, Allemagne et les autres pays qui vont soutenir leurs camarades en France. Ouais. Donc, il y a une solidarité qui est là. Et l'FNDC, c'est toutes les couches de la Guinée. Ce n'est pas juste les partis politiques. Il y a les partis politiques sont compris dedans, les syndicats, la société civile, religieuse. Donc, l'FNDC, c'est un front qui est multicolore. Donc, tout le monde est représenté. Et ça dérange vraiment aujourd'hui le pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui l'FDC de Seydou Dalein Diallo ou bien de l'FDC de... C'est pas l'UFDZ de Seydou Dalein Diallo ou bien l'UFR de Sidya Touré qui dérange actuellement le parti pouvoir, mais c'est ce front-là qui est constitué de tous les FNDC, c'est le Front National pour la Défense de la Constitution. Pour la défense Fer de lance de la Révolution guinéenne. Donc c'est un des mouvements d'opposition les plus importants. Oui, même le français, Jean-Luc Mélenchon, il a félicité les FNDC. et d'ailleurs, il a même invité. Le peuple français a s'inspiré du FNDC. Oui. Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être pas une référence. Vous voyez la différence entre l'Occident et la Guinée. On a vu les gilets jaunes en France. Ils manifestent régulièrement. Mais jamais on a entendu qu'un gilet jaune a été abattu par un policier. Mais regardez en Guinée. Dès qu'il y a manifestation, même si c'est une manifestation pacifique, même si elle est autorisée, il y a toujours des personnes, des garçons, des adolescents. Mais c'est assez récurrent quand même en Afrique, souvent, quand il y a des manifestations. Ce qui se passe en Guinée, peut-être dans les autres pays, s'il y a des morts, il n'y a pas de distinction. Mais ici, force est de constater, tous ces morts qu'on a connus depuis que Alpha Condé est là, c'est juste des peuls, des adolescents qui sont partis à la fleur de l'âge. C'est un ciblage ethnique. On a compris son jeu. Il veut, en tuant ces garçons-là dans les manifestations, pour qu'on se venge sur les autres communautés, et ces derniers aussi se vengent. Comme ça, il y a la guerre civile. Comme ça, il dira à la communauté internationale, vous voyez ce qui se passe ici en Guinée, on n'a pas organisé des élections là-dessus. Mais aujourd'hui, les Guinéens l'ont compris. Ils ont compris son plan et ils ne sont pas tombés dans son piège. Mmh. Donc c'est pour cela, même tout ce qu'on a vécu tout récemment, en l'espace de 2 mois, au Marseille Madina, on a connu trois incendies. Des magasins, de grands magasins qui sont partis en fumée. Tout ça pour discréditer les peuples envers les autres communautés. Donc on a compris son plan machiavélique. Nous, on ne va pas tomber dans son piège. On va continuer à organiser des manifestations, à faire la lutte. Donc nous avons tous ces armes-là, donc on va les utiliser pour les deux noms au troisième mandat. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Voilà, comme mon ami l'a dit, toujours le FNDC est là pour barrer la route au pouvoir en place, donc pour sauvegarder la constitution de la Guinée. Donc on sait que lors des précédents, comment on appelle ça, et quand la constitution guinéenne est à l'époque de sœur qu'on appelle Hadji Rabiatou Sera Diallo, qui est docteur Fode Ousou, et non, et docteur, j'ai oublié son nom, les deux personnalités qui avaient dirigé la manifestation du 22 janvier, qui avait conduit à ce que Lansana Conté nomme un premier ministre, donc Lansana, et Kouyaté, donc. Et nous savons que le FNDC aussi, il est là, donc c'est juste pour parce que les partis politiques ont tout fait et ça ne marchait pas et le pouvoir avait déjà mis une autre tactique. Donc il avait genre assiégé le pays et il a militarisé le pays. Et donc à l'époque, je me souviens, ils avaient mis des voitures de militaires partout en Guinée. Donc l'opposition ne pouvait pas manifester, ne pouvait pas sortir. Donc quand l'UFDG, l'UFR ou bien des partis qui défendent la Guinée, la constitution, on voulait faire des manifestations et le pouvoir avait réussi vraiment à les faire taire chez eux. Donc c'est en ce temps que les opposants et puis la société civile et puis certaines personnalités ont eu l'idée de créer un mouvement d'ensemble pour défendre la constitution, donc qu'on a appelé le FNDC. Donc le FNDC était là, donc maintenant les partis au pouvoir sont derrière, donc le FNDC, il a son coordinateur général. Donc c'est un monsieur qui est très respectueux. Donc au début, donc on sait qu'ils avaient été emprisonnés, donc on les avait tous arrêtés, mais vu qu'il y avait trop de pression, le pouvoir a été obligé de les libérer. Et ben voilà, et ben après maintenant aussi ils sont là, ils ont déjà installé tout dans le pays, donc ils sont en train vraiment de faire du grand boulot. Et donc à voir qui va remporter. Et donc le FNDC est là, on se dit que franchement, donc il ne faut pas que le pays reste comme ça. Et ce monsieur-là, il est venu au pouvoir. Il n'a rien foutu pour la Guinée. Il a mis le pays en retard. Donc, voilà, on a compris son jeu. Donc, c'est de continuer à détourner les fonds de la Guinée. Et donc, parce que depuis 10 ans, il n'a rien foutu en Guinée. On sait qu'il ne fait que voyager, ce monsieur. Ce monsieur Alpha Condé, il ne vaut rien. Donc, il disait qu'il avait l'expérience. Et puis, on l'a vu. Et lors des élections de 2010, moi, franchement, j'étais étonné. J'étais en Guinée. J'avais un professeur de physique qui était docteur Chérif, donc il faisait beaucoup confiance au président Alpha Condé. Et voilà, et là où il était déçu, quand M. Alpha Condé avait formé son gouvernement, parce que tout le monde avait cru, franchement, ils allaient avoir une nouvelle génération, et parce que les Guinéens avaient vraiment compris que les personnes qui sont autour du président, ce sont ces personnes-là, quand le président est malade ou bien il est incapable, ce sont eux qui prennent la décision. Et donc, il y avait des clans-clans donc, qui ne faisaient pas que le pays bouge. Et donc, dès qu'Alpha Condé a formé son gouvernement, je me souviens, ce jour-là, on était dans une barre chez mon grand, qu'on appelle Ablaye Diallo. Et ben voilà, il a vu le gouvernement qu'Alpha Condé a assis. Donc, il a vu ces mêmes personnes qui étaient autour de Lansana Conté. Et donc, il a dit vraiment, lui, il est déçu. Et donc, il a su que M. Alpha Condé ne va rien faute pour la Guinée. Donc, il ne va que faire de la merde. Et bien, voilà. Depuis ce jour-là, ce M. Chérif, il a dit que lui, il ne fait plus la politique. Il ne fait plus confiance à personne maintenant. Donc, lui, il avait décidé, soi-disant qu'Alpha Condé, voilà, c'était quelqu'un de neutre. Ils allaient vraiment faire la fête de la Guinée. Et bien, voilà. Et depuis ça, beaucoup de cadres ont compris que M. Alpha Condé, c'est un monsieur qui est venu et personne ne connaissait son programme. Et voilà qu'est-ce qu'il veut faire pour la Guinée et pourquoi il a nommé ces anciens cadres-là qui étaient là. Et Lansana Conté est décédé, donc il y a eu le putsch, il y a eu changement de régime. Pourquoi il y a plein d'intellectuels. Moi-même, je fais partie. Et moi, je suis sortant d'université du même nom du feu général Lansana Conté, l'université générale Lansana Conté à Symphonia. Je suis de la 46e promotion du droit public. Et donc, j'ai fini mes études depuis 2010. Et ben voilà, il y avait toujours des débats à l'université. Et puis, on soutenait franchement M. Alpha Condé. Et ben franchement, c'est une grande déception pour la Guinée. Donc, les infrastructures de base, rien n'est mis en place. Et ben voilà, le peuple de Guinée n'est pas pour Alpha Condé. Donc, il doit maintenant respecter la constitution. Donc, qu'il travaille ou pas, surtout, on a vu qu'il n'a rien foutu pour le pays. Et puis, la jeunesse est là, ça galère, c'est la pauvreté. Quand tu parles avec tes amis au pays, ils te disent qu'ils ont faim. Et puis, apporte-moi 25 euros, j'ai besoin de 50 euros. Aujourd'hui, je n'ai pas quoi manger. Donc, on a vu vraiment que c'est de la souffrance dans le pays. Le peuple est en train de souffrir, de souffrir. Nos familles, ils souffrent énormément en Guinée. Donc, franchement, ce monsieur Alpha Condé, là, il est en train de détruire la Guinée. Il est en train de faire, franchement, quelque chose qu'on ne croyait pas au pays. Et donc, franchement, que la communauté internationale n'attende pas et ne soit pas les sapeurs-pompiers après les feux. Donc, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Mm-hmm. Donc, on a vu que M. Alpha Condé, tout le monde sait qu'il n'a rien respecté en Guinée, même les lois de la Constitution, il ne respecte pas. Même les accords tripartites, il ne respecte pas. Donc, franchement, ce n'est pas la peine qu'il dégage au pouvoir. Ok. Je peux une question. En fait, donc, depuis le début, vous parlez qu'au début, en fait, beaucoup de gens avaient confiance à ce président pour venir. Comment est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, la personne en fait, qu'on veut le remplacer ne va pas tomber dans le même travers? Oui, parce qu'il y a l'expérience. Vous savez, Alpha Condé, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a vécu presque une quarantaine d'années ici en Occident. Donc, lui, il se rendait en Guinée que si... Il y avait des élections, à l'approche des élections. Même lui, il a souligné quand il est devenu président de la République en 2010, lors de son discours, il a dit que lui, il ne connaît pas les Guinéens et la Guinée. C'est son frère décédé qui connaissait la Guinée. Vraiment, si on était dans un pays organisé, dans un pays démocratique, même la Cour suprême ne devrait même pas l'accepter comme président. Quelqu'un qui vient qui vous dit que je ne connais pas le pays, je ne connais pas les habitants de ce pays. C'est pour cela que maintenant, on est en train de voir tout ce qu'il disait. C'est vrai, il ne connaît pas la Guinée, il ne connaît pas les Guinéens. Il n'arrive pas à sortir la Guinée de la tanière. Par contre, les opposants tels que Sylou Dalein Diallo, Sidya Touré, bien là, c'est un côté. Ce sont des personnes qui ont occupé des postes en Guinée. Ils sont devenus même premier ministre au temps de l'ensemble Conté. Mais Alpha Condé, il n'a jamais occupé aucune poste en Guinée. Aucun. Même un secrétaire dans un bureau. Rien. Il a quitté la France, il est devenu président de la République de Guinée. C'est tout. Donc, il ne connaît pas la Guinée, il ne connaît pas les Guinéens. Donc, il ne connaît pas le système. Il est venu dans un pays où tout ce qu'il fait, il agit via son entourage. Son entourage qui lui dit telle personne est bien, il le prend. Telle personne n'est pas bien, il le sent. C'est comme ça qu'il a gouverné le pays. Mais il ne connaît pas le. Donc il a été élu sur son passé d'opposant historique. Et... Les médias lui ont construit un statut d'opposant historique. Donc il a été élu. Il a été emprisonné. Il a été élu à base de ça. Même les élections de 2010, ce n'est pas lui qui les avait gagnées. Sylou Dalein Diallo, au premier tour, avait eu 46% des voix. Lui, il avait 18%. Au deuxième tour, ils ont renversé ça. Je ne sais pas quel combien ils ont fait. Ils ont dit que c'est lui qui a gagné. Il y avait une fraude massive vue. Mais bon, puisque celui lui voulait la paix et l'intégrité du pays, il avait accepté sa défaite. Mais il a accepté sa défaite à l'époque. Même en 2015, c'est celui de l'Indien qui avait gagné. Mais puisque en Afrique, les présidents de la République ont tendance, quand ils viennent au pouvoir, qu'ils vont faire au moins deux mandats avant de partir, celui aussi a laissé. Maintenant, Alpha Condé doit partir et l'opposition voit qu'il ne veut pas partir. C'est pour cela que l'opposition s'est organisée via l'FNDC ou bien d'autres structures et les démarches à l'international qui ont porté d'ailleurs le fruit. Mais Alpha Condé, il doit partir. Il est temps qu'il parte. Oui, voilà. Parlant de l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, c'est un scénario que tout le monde connaît en Guinée et qui a bien été parlé en Guinée. On savait que les opposants étaient là à l'époque quand Dadis Camara avait dit qu'il allait faire seulement 2 ans de transition politique et puis pour essayer de régler certaines choses dans le pays. On a vu des partis politiques qui étaient là, qui n'étaient pas d'accord. Et puis, on avait vu que l'opposition voulait organiser une grande manifestation le 28 septembre 2009. Et donc, tout le monde connaît le massacre du 28 septembre. Dans un stade, c'est ça? Voilà. Et vous savez que Alpha Condé, lui, en personne, n'était pas en Guinée. Et donc, lui, il avait voyagé. Donc, il y avait Sidya Touré là-bas, il y avait Sylou Dalein Diallo, il y avait les autres opposants qui étaient là-bas. Et donc, moi-même, j'étais dans le stade du 28 septembre ce jour-là. J'étais en plein stade quand les bérets rouges ont débarqué dans le stade. Et on a vu comment les choses se sont passées. On a compris qu'il y avait un jeu qui était là, qui était en train d'être organisé. À cette époque, on parlait de la francophonie qui jouait un jeu. parce que Alpha Condé il avait des soutiens extérieurs. Donc les trois anciens premiers ministres, ils n'ont pas de soutien extérieur. Alpha Condé a plus de crédibilité au niveau international que ces trois là, parce que l'ancien Condé, on savait que c'était un militaire, donc il avait fait la dictature dans le pays. Donc les occidentaux, peut-être ils ne voulaient pas ces trois premiers ministres là, donc ils disaient que c'était des messieurs corrompus, et peut-être ils avaient plus engagé des ressources pour Alpha Condé. Je ne sais pas comment la communauté internationale gérait ce problème, mais on a vu que quand Dadis Camara avait été tiré à balle par son aide de camp qu'on appelle Toumba Diakité, et on avait vu que c'était quelque chose qui avait bel et bien été organisé, parce que même Dadis Camara ne voulait pas que Alpha Condé se présente au pouvoir, parce qu'il savait bien l'intention de Alpha Condé. Même le feu général Lansana Conté avait parlé de lui. On savait qu'Alpha Condé, il manœuvrait quelque chose s'il venait au pouvoir, parce que personne ne le faisait confiance. Et si vous comprenez, donc, Sékouba Konaté, il avait franchement triché les élections. Il n'a pas joué son rôle de chef de transition. Il n'y a pas eu de réels résultats. Donc, Sékouba Konaté a mis beaucoup de pression sur M. Jean-Marie Doré, qui était le premier ministre à l'époque, qui voulait franchement que les résultats des urnes soient vraiment révélés. Donc, on avait vu qu'il y avait eu énormément de pression. Donc, on peut dire que c'est Sékouba Konaté. Souvent, il a été interpellé, Sékouba Konaté, sur le cas de Alpha Condé. Il disait souvent qu'il regrettait qu'est-ce qui s'était passé en Guinée. Et donc, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a été imposé au pouvoir en Guinée. Donc voilà, mais ces personnalités-là, je pense qu'ils faisaient confiance à Alpha Condé, certains peut-être pour leurs intérêts et d'autres et pour des choses qu'ils ne connaissaient pas, croyant qu'Alpha Condé allait faire l'affaire de la Guinée maintenant. Et donc on a vu maintenant Alpha Condé qui avait ses intentions, parce que chaque fois qu'Alpha Condé, c'est un Malinké. Donc les Malinké, on sait ce qui se passe en Guinée, on sait ce qui s'est passé pendant que la Guinée avait accédé au pouvoir avec le régime du feu général Ahmed Sékou Touré, donc qui croyait que les peuples complétaient pour le régime du feu général Ahmed Sékou Touré. Donc on avait vu, il y avait eu plein de gens qui étaient massacrés, mais la plus grande majorité des personnes qui avaient été massacrées, c'était des peuls. On avait vu Téli Diallo, qui était le premier secrétaire de l'OIA, et donc qui avait été massacré. Donc plein de gens, plein de peuls, de cadres guinéens. Donc Alpha Condé, franchement, c'est quelqu'un qui est venu avec ses propres idées. Et donc personne ne connaissait ses intentions. Donc c'est franchement un monsieur qui est mauvais pour le pays. Donc c'est un monsieur, s'il reste là-bas, il risque de faire basculer le pays dans une guerre civile et dans une confusion totale. Et les gens qui vont payer ça, moi je suis sûr et certain que ce sont ces mêmes peuls-là. Et nous les peuls. Et donc c'est pourquoi au Fouta, vous avez vu une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis même faire des choses pas possibles au Fouta là-bas. Et donc, les peuls, ils sont mis en alerte déjà. Tout le monde sait qu'Alpha Condé, franchement, il déteste les peuls. Il n'aime pas les peuls. Ça, disons ça haut et fort. Mmh. OK. On va peut-être... on a encore beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être s'arrêter parce qu'il est déjà presque 10 heures. Okay. En tout cas, merci de nous avoir... En tout cas, mais c'était... ...de parler de la situation sociopolitique de notre pays. Donc, nous sommes vraiment contents de dénoncer tout ça via la 87.7. Merci beaucoup. OK. Mais écoute, de toute façon, vous pouvez venir si vous avez d'autres informations ou à un moment vous voulez parler encore. Vous êtes bienvenu. Maintenant, vous connaissez le chemin. Ça va. Ça va, pas de souci. OK. Merci. Voilà. On passe juste une petite musique. Ouais, une petite transition. Et puis après, il faut que je fasse un agenda. Merci. Sepe madafa, pandi alma. je vais quand même vous lire un communiqué qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps. Mais j'entends très mal dans mon casque, hein, Serge. Voilà. OK. Donc, ces trois événements récents en Mauritanie, donc on reste en Afrique, qui suscitent la condamnation unanime des militants de l'IRA Belgique. Alors, l'IRA, c'est l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Alors, le premier événement, c'est chanter et danser lors d'une fête d'anniversaire, un crime en Mauritanie. Le 30 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Nouakchott a condamné 8 hommes à 2 ans de prison ferme pour homosexualité. En cause, une fête d'anniversaire organisée le 11 janvier pour l'un d'entre eux qui avait invité ses semblables dans une salle louée pour l'occasion. Le 22 janvier, des photos ayant été publiées sur les réseaux sociaux, ces personnes sont arrêtées. Au terme du procès organisé 8 jours plus tard, les 6 Mauritaniens et les 2 Sénégalais sont condamnés à 2 ans de prison ferme pour outrage public à la pudeur, incitation à la débauche et commission de faits interdits par Allah. Human Rights Watch a immédiatement réagi, réclamant la libération immédiate des condamnés. La Mauritanie ne peut se soustraire à ses obligations de protéger les droits fondamentaux de tous ses citoyens sans discrimination. Alors qu'aucune victime n'a été identifiée, aucune nuisance commise, aucun comportement raisonnablement considéré comme illégal constaté, une peine de 2 ans de prison n'a aucune raison légale d'être. Ce faisant, la Mauritanie bafoue les principes du droit international pour soumettre son droit national à la prééminence de la charia. Si l'article 10 de la Constitution mauritanienne garantit le droit à la liberté d'expression, ce droit devrait donc être reconnu pour tous et non seulement pour les personnes qui sont conformes aux identités de genre jugées acceptables par les autorités mauritaniennes. Pour sa part, le réseau ouest-africain des défenseurs de droits de l'homme basé à Lomé a, pour sa part, indiqué qu'agissant ainsi, la Mauritanie outrage son droit à siéger au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mandat renouvelé pour l'exercice 2020-2022. Alors, le deuxième cas, c'est un nouveau cas d'esclavage traditionnel dénoncé par l'IRA. Le 5 février dernier, Beybe, un jeune garçon de 8 ans, né esclave d'une mère esclave, fuit les sévices et le domaine de son maître Ahmed Houl Taher, un dignitaire arabo-berbère, dans la région du Guidi Maka. Il trouve refuge chez une militante de l'IRA qui enregistre le témoignage de l'enfant et constate qu'il urine du sang. Alertée, la brigade de gendarmerie récupère l'enfant, interpelle le maître et comble de désinvolture, les confine tous deux dans le même cachot du 7 février au 10 février. C'est alors que, comme d'habitude, le ministre de la Justice, Aymond Ould Ramdam, met en branle tout le dispositif de déni d'esclavage, de requalification des faits, d'invention de nouveaux parents à l'enfant, d'intimidation et de subordination de témoins pour décider de l'abandon pur et simple des poursuites. Si les faits sont probants, si Beybe a 3 frères et sœurs soumis aux mêmes sévices et molestations de la part du maître, si devant les instances internationales l'esclavage est pénalisé comme crime contre l'humanité, son existence de facto sur le territoire est constamment niée par le système inféandé à une instrumentalisation d'une religion déviée pour préserver les acquis ancestraux d'une minorité qui entend sauvegarder des privilèges incompatibles avec le 21e siècle et le respect des droits humains fondamentaux. Alors, le troisième cas, c'est racisme et ségrégation dans l'enseignement. Comme chaque année, la société pétrolière britannique British Petroleum, très active en Mauritanie, vient d'attribuer 10 bourses d'études à 10 Mauritaniens, tous issus de la même communauté Beydane, arabo-berbère. La photo des nominés qui circule toujours sur les réseaux sociaux ne laisse aucun doute sur l'appartenance sociale de ces étudiants. Ces élus vont ainsi poursuivre 4 ans de baccalauréat en France, en Tunisie, au Maroc, pour assurer la relève des cadres dans le secteur du pétrole et du gaz en Mauritanie. Cette sélection révèle la discrimination flagrante du système éducatif où l'égalité des chances n'existe pas et où les Noirs mauritaniens ont difficilement accès aux études. Le manque d'écoles, d'enseignants, de programmes adéquats ont paralysé le secteur de l'éducation. Les arabo-berbères nantis inscrivent leurs enfants dans les écoles privées et chères, laissant aux enfants noirs un échec scolaire massif et systématique dans une école publique méconnaissable. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, les autorités ont créé des écoles d'excellence qui, de fait, ne sont accessibles qu'aux enfants arabo-berbères. Les nominations dans les cadres de l'armée, des douanes, de la police, de la sûreté de l'État, de la justice, relèvent toutes d'une sélection monocolore qui vise à arabiser la société et ses rouages en éliminant sa composante noire majoritaire. Une situation analogue à celle de l'apartheid en Afrique du Sud qui a connu les conséquences que l'on sait. Voilà, c'est un communiqué qui date du 17 février 2020. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler de l'agenda. Alors, que se passe-t-il à Bruxelles ? Le samedi 22 février à 18h au VK, Manchester Straat 13-15 à Bruxelles, il y a une soirée bénéfique Niemand is illegal. Et donc, c'est une soirée voilà, où il y aura des concerts avec plein de groupes. Moi, je ne les connais pas tous, mais il y a les Slugs, je crois que c'est assez connu. Oui. Voilà. Et puis, voilà, il y aura aussi des ateliers de sérigraphie, une table d'hôte, une activiste kermesse, et puis des stickers. Je ne sais pas ce que c'est que des stickers. Hein ? Des autocollants. Ah, des autocollants. Voilà, donc ça se passe donc au VK samedi prochain, donc le 22 février, à partir de 18h. Alors, le 23 février à 20h, à partir de 16h, il y a une projection débat à l'UPJB. Regarde, elle a les yeux grands ouverts. Alors, c'est un film de Yann Lemasson. Et ça raconte l'histoire de 75 à 82 d'un groupe de femmes d'Aix-en-Provence et de leurs proches, mari, compagnon, enfant. Ces femmes découvrent au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc le MLAC, qu'elles peuvent ensemble transformer et vivre autrement des moments aussi importants pour elles que avorter, accoucher, choisir de faire ou non un enfant. Elles apprennent à le faire elles-mêmes, se heurtent à la répression. Et c'est le procès de six d'entre elles le 10 mars 1977 à Aix-en-Provence. C'est un moment très fort de leur histoire qui continue toujours aujourd'hui. Donc le débat sera animé par Dominique Rouanet, médecin dans une maison médicale et un centre de planning familial. Le tarif, c'est 6 euros, 4 euros pour les membres et 2 euros pour les gens qui ont des priorités, enfin des trucs, tarifs réduits. Alors, ça se passe donc à l'UPJB, 61 rue de la Victoire, à Saint-Gilles, 1060. Donc, à partir de 16h dimanche. Alors, nous passons au lundi 24 février, 17h. Il y aura un rassemblement en soutien à Julien Assens devant l'ambassade de Grande-Bretagne, 10 avenue de Dordrecht, à Bruxelles, pour demander sa liberté et non son extradition. Voilà. Et donc ça, c'est lundi. Alors, le mardi, il y a au DK, rue du Danemark, 70B à Saint-Gilles. Le lundi 24 février, toujours, à 18h30, il y a une réunion, une discussion avec le collectif 8 mars, féminisme dans une complicité globale, vers la grève du 8 mars. Et donc, c'est une discussion avec le collectif 8 mars, Bruxelles, et plusieurs militantes impliquées dans la lutte féminine au niveau global, avec des intervenantes italiennes, chiliennes, kurdes et argentines. Donc, le mouvement féministe qui se déploie mondialement aujourd'hui et que certaines analysent comme une quatrième vague historique donne à voir une perspective ainsi que des pratiques s'inscrivant à un niveau global. Donc ça se passe donc le lundi 24 février au DK rue du Danemark à 18h30. Alors, également le lundi 24 février à la FLAC, 10 rue des Orchidées à Anderlecht à partir de 19h30, La FLAC, c'est un foyer de lutte anticarcérale qui permettant du soutien aux proches et aux ex-détenus, abritant plusieurs luttes contre l'enfermement et le système oppresseur, mis à disposition aux initiatives sociales du quartier et se définit comme un lieu anti-discrimination. Et alors, donc, il y aura un débat. Les grèves en prison, sur les grèves justement qui ont lieu en prison, où il y aura un questionnement surtout pour savoir s'il faut défendre les grèves des matons ou s'il faut défendre les, il faut défendre les détenus. Et donc, c'est une discussion publique où seront abordées donc, les questions suivantes. Lorsqu'on est contre le système carcéral et toute forme de domination, doit-on soutenir les matons lorsqu'ils font grève ? Doit-on les soutenir contre l'imposition d'un service minimum ? La grève des matons est-elle spécifique et en quoi nous interroge-t-elle ? Quel autre moyen d'action peut-on imaginer pour les matons en lutte ? En tant que personne à l'extérieur, proche des détenus ou non, que pouvons-nous nous faire pour soutenir les personnes en détention lors des grèves ? Donc, la discussion sera introduite par des témoignages de proches et elle aboutira à la production d'un outil matériel et partageable. Donc, ça se passe à partir de 19h30, où il y a un accueil et la discussion commence à 20h. Donc, c'est la FLAC, 10 rue des Orchidées à Anderlecht. Alors, le mardi, maintenant 25 février, à l'Université libre de Bruxelles, campus Solbosch, avenue Paul Hégé, 1000 Bruxelles, à partir de 20h, il y a le cercle du libre examen qui convie les personnes à une conférence sur les éternels obstacles au droit à l'avortement. Pour cerner à quels obstacles le droit à l'avortement, droit pourtant fondamental, fait face de l'Amérique latine à l'Europe. Alors il y aura des professeurs de sciences politiques à l'ULB. Donc c'est une professeure en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles et ancienne présidente de l'Université des femmes Bérengère, Marques Pereira. Elle a fait donc de la citoyenneté politique des femmes un de ses sujets de prédilection et viendra nous parler des obstacles au droit à l'avortement dans l'espace européen. Et il y aura également Mario Pescheni, qui est professeur de sciences politiques et de sociologie de la santé à l'Universidad de Buenos Aires, dont les recherches sont centrées sur la politique et les droits en matière de genre, sexualité et santé en Amérique latine. Donc, il va exposer donc, son analyse sur les entraves au droit à l'avortement en Amérique latine. L'entrée est libre. C'est au campus Solbosch. Pour l'instant, il y a un site Facebook parce que le local est à déterminer. Alors, c'est www.facebook.com/event et puis il y a tout un chiffre. Vous regardez sur Internet, sur Indie Media Bruxelles et vous aurez tous les renseignements. Voilà. Alors, ça c'est pour le mardi. Alors, après, je passe mardi 24. Après, je passe effectivement au mardi 25. C'est le mardi, oui, mardi 25. Et maintenant, je passe au vendredi 28 février. Alors, le vendredi 28 février 2020 à 18h, à l'Accroche. Vous aurez également un zigzag bénéfique parti, soutien au collectif Zigzag Zig, Zag, Zigzag Zigzag bénéfique parti. Voilà, donc le collectif Zigzag, c'est un collectif horizontal et autogéré qui cuisine pour les personnes du parc Maximilien trois fois par semaine depuis le mois d'octobre. Et ils ont besoin de fonds pour continuer à cuisiner et c'est pour ça qu'ils organisent cette soirée. Donc l'entrée est à prix libre, il y aura des concerts, sérigraphie, infokiosque et bar. Ils ajoutent pas de comportement oppressif toléré. Donc ça se passe à l'Accroche, 72 avenue du Pont de Lutre à Bruxelles. Alors, donc le 28 février également, toujours la soirée, juste avant le 8 mars, au local de la JOC, la soirée organisée par le collectif 8 mars, pour bien organiser ce 8 mars, qui aura lieu donc le dimanche, et avec la grève le lundi. Et puis, donc c'est à partir de 19h, et c'est toujours 4 rue d'Anderlecht à Bruxelles. Et enfin, également à 19h, ce vendredi 28 février, au Poisson sans bicyclette, rue Josaphat 253 à Skarbek, 5 comédiennes s'emparent de la magie de l'impro théâtrale pour raconter des histoires à travers leur regard engagé. Donc, c'est une démarche intime et authentique avec des moments de pétillante vérité qui donnent au spectacle une saveur et une couleur toute particulière. Alors, ces 5 femmes vont improviser ce soir-là sur la couleur rouge. Voilà. Donc, comme comédienne, il y aura Pedi Pexi Green, Laura Matisse, Mana Jan, Elsa Mikmik, Lisa Cogno de la compagnie Qui Pétille. Alors, c'est une entrée à prix libre, conseillée 5 euros. Il n'y aura pas de réservation, mais les places sont limitées, donc il faut arriver tôt. Et c'est un spectacle à partir de 12 ans. Donc, les portes s'ouvrent à 19h. 19h30, 20h30, il y a un repas vegan à prix libre. Et à 20h45, commence le spectacle. Voilà. C'est tout, je crois. Oui, c'est tout. C'est tout pour l'agenda. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.